L'Afrique est le continent de demain. Je voudrais rendre hommage à ce continent qui, en trouvant sa voie, va sûrement donner un espoir humanitaire, humaniste en tous les cas, à notre planète, qui est en péril, hein, malgré tout. Hein. Donc en trouvant, en voyant l'Afrique se développer, je pense qu'on se verra nous-mêmes nous développer. Et même si nous sommes croulants sous l'argent, et la capacité de vivre de beaux moments, est-ce qu'on est vraiment très heureux? Je ne sais pas. Donc peut-être que l'Afrique va nous montrer ce chemin d'un bonheur profond qui ne s'attache pas aux apparences à l'extérieur. Donc une chanson qui s'appelle Amasira.